Au moment où Cydalise et le baron montaient, Valérie, debout devant la cheminée où brûlait une falourde, se faisait lasser par Venceslas. C'est le moment où la femme qui n'est ni trop grasse ni trop maigre, comme était la fine, l'élégante Valérie, offre des beautés surnaturelles. La chair rosée, à teinte moite, sollicite un regard des yeux les plus endormis. Les lignes du corps, alors si peu voilées, sont si nettement accusées par les plis éclatants du jupon et par le bassin du corset, que la femme est irrésistible comme tout ce qu'on est obligé de quitter. Le visage heureux et souriant dans le miroir, le pied qui s'impatiente, la main qui va réparant le désordre des boucles de la coiffure mal reconstruite, les yeux où déborde la reconnaissance, puis le feu du consentement qui, semblable à un coucher de soleil, embrase les plus menus détails de la physionomie, tout de cette heure en fait une mine à souvenirs. Certes, quiconque jetant un regard sur les premières erreurs de sa vie y reprendra quelques-uns de ces délicieux détails, comprendra peut-être, sans les excuser, les folies des hulots et des crevelles. Les femmes connaissent si bien leur puissance en ce moment qu'elles y trouvent toujours ce qu'on peut appeler le regain du rendez-vous. Allons donc, après 2 ans, tu ne sais pas encore lasser une femme. Tu es aussi par trop polonais. Voilà 10 heures, mon Venceslas, dit Valérie en riant.